Gode canal, y avait une péniche, et sur cette péniche, y avait un oiseau de l'univers. Et puis un clown triste lança le moteur. Le navire partit et l'oiseau pleura dans la nuit. Le matin venu, la mer approcha et l'oiseau de rêve, laissant le clown triste, s'envola. L'oiseau est parti, qui fait le vent et le soleil. L'oiseau est parti, qui fait le continua, enfin arriva, en plein océan, la côte disparut dans le ciel. Le clown triste sourit à sa solitude, se jeta au but du voyage.